J'allumais le projecteur, tout est noir par ici. J'ai de la pierre de Bogota, comme sur Gotham, Gotham City. Comme sur Gotham City. Toujours en ce foire comme Rocco dans cul de pucelle. Omniprésent fort comme Congolais dans rue de Bruxelles. Faites monter ma plus grosse bouteille. Et la petite Emmanuela, je l'ai vue en bas par Jartel. J'avais langue pendue comme Balbuena. Il n'y en a qu'un, donc tout le monde reconnaît le duc. Vrai soldat, eux connaissent putain. Resto se bat, eux connaissent duc. Je prise des vies, mais j'aurais pas. Frenchy, elle préfère ma bite que mon accent, car j'en ai pas. Droit dans Tony, Joshua, ferme la boca. L'argent de la meca, paye l'avocat. J'suis réel comme Rosinha, Carioca. J'te présente Jimmy, deux fois Rally Ota. Ils ont allumé le projecteur, tout est noir par ici. J'ai de la pure de Bogota, j'monte sur Gotham, Gotham City. Tout est noir par ici. Ils ont allumé le projecteur, tout est noir par ici. J'ai de la pure de Bogota, j'monte sur Gotham, Gotham City. Tout est noir par ici. Le bullseye de compétition, j'obtiendrai leur paix par démolition. De prendre en missionnaire ma mission, t'es bonne, c'est normal, nous choisissons filet mignon. Je leur mets aucun, j'fais l'addition à tous les rats depuis de la région. Monte à bord, t'es hors la maison, ici beaucoup de merde, nous baisons. Beaucoup de merde, de famille nombreuses, hélas. Ici bas, j'me suis permis beaucoup d'écart. Tu viens d'en bas, n'en cherche pas dans les étages. Même plus de haine envers toi, t'es tellement nance. Je peux me gratter le dabon, mais tellement large. J'ai SXR à ta portière, tu viens de quitter le bain. J'suis dans le DM à ta sorcière, elle a validé le bail. Assisté par une beauté divine, en volant d'une Mercedes. Lui dit que j'aimais les gros culs, donc elle veut se faire les fesses. Je vais l'envoyer en Colombie, Gonzalez va la faire en S. On a des plugs un peu partout, ici Bondi, Los Angeles. Ils ont allumé le projecteur, tout est noir par ici. J'ai de la pure de Bogota, j'monte sur Gotham, Gotham City. Tout est noir par ici. J'allume le projecteur, tout est noir par ici. J'ai de la pure de Bogota, j'monte sur Gotham, Gotham City. Tout est noir par ici.